C'est un peu comme louer une maison où toutes les serrures et l'infrastructure fonctionnent avec un jeu de clés conçu pour quelqu'un d'autre. Ouais. On a beau y vivre, on reste un simple locataire, quoi. Exactement. Et c'est vraiment l'image frappante qui ressort de notre deep dive d'aujourd'hui. On a exploré pas mal de documents et de notes techniques sur le projet SABIA pour Seine Africa, by Aya. C'est un acronyme super bien trouvé d'ailleurs. Hein. Complètement. Et la mission de cette plongée, au cœur du projet, c'est de comprendre comment le Sénégal veut justement cesser d'être ce locateur technologique. L'idée, c'est de bâtir une intelligence artificielle souveraine en utilisant sa propre tradition linguistique. Et c'est vraiment un point de départ crucial, en fait. Les sources posent un diagnostic chiffré super lourd sur ce qu'on appelle l'aliénation numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique là-bas repose sur quoi ? Sur des calques étrangers ? C'est ça. En clair, on importe des mots anglais ou français pour parler de tech. Et le résultat de ça, c'est une barrière cognitive majeure pour 70% de la population. Ah oui, 70%, c'est énorme. Bah ouais. Quand l'outil de pointe ne parle pas ta langue maternelle, enfin, la langue des utilisateurs, l'innovation locale est littéralement étouffée à la racine. Donc le vrai défi, c'est de construire ses propres fondations pour devenir propriétaire de cette technologie. Et dans les documents, il mentionne une méthode tirée d'un livre qui s'appelle Teginou Wolof. Oui. L'idée, c'est vraiment pas de traduire bêtement. C'est l'analogie des briques Lego, que j'ai adoré dans les notes. On prend des briques pour créer des nouveaux mots. Il donne l'exemple de Bumujoko pour désigner Internet. Ouais, c'est un très bel exemple de création pure. Mais j'avoue que je bloque un tout petit peu sur la mécanique. Comment on passe de cette notion de briques Lego à du vrai code informatique que des machines peuvent lire ? Bah, c'est là qu'intervient ce que les linguistes appellent la morphologie générative. En fait, le Wolof possède un moteur de règles qui est déjà intégré dans la langue. Un moteur de règles ? C'est-à-dire ? Si on reprend l'analogie des Lego, pour assembler deux mots, on utilise des connecteurs grammaticaux très précis. Les documents parlent du fameux pont W ou de mutation vocalique. Attends, le pont W, c'est comme le petit cylindre sur la brique Lego qui permet d'emboîter les pièces ? Voilà, c'est exactement ça. Concrètement, tu prends une racine qui signifie « câble » et une autre qui veut dire « connecté ». Et le pont W les relie parfaitement. Ça crée un mot technique super fluide sans jamais emprunter à l'anglais. Ok. Je veux être sûr de bien comprendre. La grammaire agit littéralement comme une formule mathématique, en fait. On rentre des variables et ça génère du vocabulaire. C'est l'idée, oui. Et c'est ça qui rend le projet techniquement viable aujourd'hui. L'équipe a pris ce Wolof pur, qu'ils appellent le Ganjar, et ils l'ont standardisé dans un format informatique qu'on appelle JSON. Et le JSON, pour faire simple, c'est le langage universel de structuration de données que tous les développeurs utilisent. Tout à fait. En transformant les règles du Ganjar en fichiers JSON, bah ils offrent aux ingénieurs une architecture de données qui est prête à l'emploi. Le Wolof devient directement lisible par une IA moderne. Cette traduction d'une grammaire ancienne en format JSON, c'est vraiment brillant. Par contre, je dois faire un peu l'avocat du diable sur le calendrier présenté. Ouais, vas-y, je t'écoute. Il prévoit de sortir le dictionnaire numérique Dyang Wolof avec 5000 entrées certifiées et de lancer l'application Forge Sabia pour les entreprises en 12 mois. C'est très ambitieux. 12 mois, ça paraît techniquement et humainement impossible sans des moyens colossaux. Qu'est-ce qui garantit que ça ne va pas juste dérailler ? Bah, ce scepticisme est totalement justifié par nos sources parce que le défi, il n'est pas que logiciel en fait. Pour tenir ce délai, il y a besoin de financement lourd. Il y a des obstacles pratiques, j'imagine. Énormes ! Un hébergement serveur ultra sécurisé, la numérisation hyper complexe de manuscrits anciens et surtout le goulot d'étranglement de la validation. C'est pour ça qu'il déploie une équipe de validation linguistique spécifique, les experts Endar Nandar. Les Endar Dendar. Pourquoi eux spécifiquement ? Parce que ce sont les érudits originaires de Saint-Louis du Sénégal. Ils sont historiquement reconnus pour leur maîtrise absolue du Wolof pur, le Ganjar. Ah d'accord, donc il faut vraiment des garants de la langue. Exactement. Sans leur validation brique par brique, bah, l'algorithme risquerait de produire des absurdités. Mais l'enjeu en vaut la peine. Si cette base est financière et certifiée, ça permet de créer des services de santé en ligne, des interfaces bancaires ou même des savas directement dans la langue du terroir. Ce qui est la clé pour éradiquer l'analphabétisme fonctionnel au final. C'est exactement l'objectif visé. Et ça démontre bien à ceux qui nous écoutent que la technologie numérique, ça condamne pas forcément les identités locales à disparaître. Ça peut devenir le bouclier qui protège ce patrimoine immatériel. Je suis 100% d'accord. Le dossier cite d'ailleurs une phrase super forte d'Eliman Diop. Il dit lo necul talibem domesanec sereniem. En gros, si on n'accepte pas d'abord d'être l'élève d'une discipline, on n'en sera jamais le maître. Ouais, et il est indispensable de maîtriser les fondations de son propre langage pour espérer maîtriser l'architecture numérique qui en découle. Et ça nous ramène à notre point de départ. Forger nos propres clés plutôt que de louer celles des autres. Tout à fait. Ce qui laisse une question fascinante en suspens pour clôturer ce deep dive. Si la grammaire traditionnelle du Wolof contient une logique mathématique si parfaite qu'elle peut programmer une intelligence artificielle, quelles autres langues anciennes et peut-être oubliées détiennent secrètement les algorithmes capables de reprogrammer les technologies mondiales de demain ?